chapitre 6e, elle avait promis. Mais comment tenir sa promesse, comment retenir Geneviève dans le cas où M. de Mussidan voudrait qu'elle partît? S'il avait été effrayé à la pensée qu'on pouvait lui prendre sa fille pour la mettre dans un couvent de Paris, c'est-à-dire près d'elle, et dans des conditions où il lui serait possible de la voir souvent, combien plus encore l'était-elle devant cette menace immédiate qu'on allait la lui prendre pour l'emmener à Cordes, où elle ne la verrait plus? Il fallait qu'elle trouvât un moyen, il le fallait pour elle, il le fallait pour l'enfant. Le soir, au lieu de se coucher à l'heure ordinaire, elle prétexta un travail pressé et resta seule pour réfléchir, pour chercher. Ça avait été toujours son habitude, lorsqu'elle était préoccupée, de suivre sa pensée en poussant son aiguille. Sous sa lampe, dans le silence de la nuit, elle était plus libre, elle pouvait mieux s'absorber dans son sujet. Ce qu'il fallait, c'était quelque chose qui toucha son mari, et il n'était pas commun, les moyens qui agissaient sur lui. Jamais elle ne s'était dit qu'il était un égoïste, mais elle savait qu'il ne se déterminait que par des raisons qui mettaient son intérêt personnel en jeu. C'était donc une de ces raisons qu'elle devait faire valoir auprès de lui. Qu'il crût que le séjour de sa fille près de Mademoiselle de Puylaurens pouvait compromettre son héritage, eh bien certainement, il ne la laisserait point aller à Cordes. Mais comment l'amener à croire cela? Qu'il lui eût dit quelques années auparavant qu'un jour viendrait où elle oserait faire croire quelque chose à ce mari si haut placé au-dessus d'elle. Cependant, la maternité lui avait donné ce courage en l'habituant à faire passer la mère avant la femme. Le lendemain matin, pendant que son mari s'habillait, ce qui était pour lui une occupation aussi longue que sérieuse, elle s'enhardit à lui parler de la lettre de Mademoiselle de Puylaurens, et bien qu'elle n'eût jamais étudié les lois de la rhétorique, elle employa le procédé qui consiste à se concilier tout d'abord la bienveillance de son interlocuteur. « Plus je réfléchis à cette lettre de Mademoiselle de Puylaurens, dit-elle, plus je la trouve inexplicable. Comment? Abominable, dites impardonnable. Mademoiselle de Puylaurens est votre tante. Sans doute, sans doute. » Si M. de Mussidan ne se gênait guère pour appeler sa tante sorcière, coquine, voleuse, il n'aurait pas toléré que d'autres que lui se permissent de parler d'elle peu révérencieusement. Elle était de sa famille, sa tante, et à ce titre, elle avait droit au respect des autres. « Comment peut-elle disposer ainsi de votre fille ?» continua Madame de Mussidan, sans savoir si votre intention est de la lui confier. « Cette vieille coquine se croit tout permis. » Certainement, le séjour à la campagne serait favorable à Geneviève. « Si vous voulez m'influencer pour que je l'envoie à Cordes, je vous avertis que vous pouvez faire l'économie de vos discours. Je sais ce qui convient ou ne convient pas à ma fille, peut-être. Je veux si peu que vous envoyez Geneviève à Cordes, que je me dis que son séjour auprès de Mademoiselle de Puylaurens pourrait être dangereux. En quoi, je vous prie ? » Quand son mari l'interrogeait sur ce ton, elle avait l'habitude de se dérober. Elle ne savait pas. C'était une idée en l'air. Rien de sérieux. Mais dans le cas présent, il fallait faire tête. Elle se raidit contre son émotion, s'efforçant de rester calme. « Vous comptez que Geneviève sera l'héritière de sa tante, n'est-ce pas ? » demanda-t-elle. « Assurément. C'est pour cela que... » il allait dire. « C'est pour cela que je me suis marié. » Mais il se retint. « C'est pour cela que je l'ai légitimée, afin de lui conférer d'une façon inattaquable la qualité d'héritière de sa tante. D'ailleurs, en plus de cette qualité que la loi lui donne, j'ai la promesse de Mademoiselle de Puylaurens. » Vous aussi, vous aviez la qualité d'héritier de Mademoiselle de Puylaurens, et cependant vous n'hériterez pas d'elle, parce qu'elle me déshérite. Elle vous déshérite parce que vous l'avez fâchée. Parce que c'est la coquine la plus vicieuse qui soit au monde, la plus orgueilleuse, la plus sottement infatuée d'elle-même, la plus injuste, la plus acariâtre. Assurément, les torts sont de son côté. Dites qu'en cette circonstance, elle a été abominable, comme toujours d'ailleurs. C'est précisément là ce qui m'inquiète, en pensant au séjour de Geneviève près d'elle. Je ne crois pas qu'elle pousserait la méchanceté jusqu'à faire souffrir un enfant. Elle ne manque pas d'une certaine bonté. La façon dont elle se conduit avec moi ne m'empêchera pas de lui rendre justice. Je ne veux pas dire qu'elle ferait souffrir Geneviève, mais simplement qu'elle peut la prendre en grippe. Geneviève sait se faire aimer. Est-ce suffisant avec Mademoiselle de Puylaurens? Il me semble que si elle devait aimer quelqu'un, elle aimait passionnément, c'était vous. Et cependant, elle s'est fâchée avec vous, fâchée à ce point qu'elle vous déshérite. Geneviève n'est qu'une enfant. Il me semble que c'est là justement qu'est le danger. Si elle était plus grande, plus raisonnable, on pourrait lui faire comprendre l'intérêt qu'il y a pour elle à ménager sa tante. Mais comment parler de cela à une enfant de son âge? Remarquez que si vous décidez de l'envoyer à cordes, je n'ai pas parlé de ça. Je dis que si vous décidiez de l'envoyer à cordes, elle y arriverait assez mal disposée. Vous savez comme elle nous aime, elle serait désespérée de nous quitter, et dans ses dispositions, il se pourrait qu'elle accuse à Satan d'être la cause de cette séparation. Eh bien, cela pourrait être dangereux, car s'il n'est pas aimable avec sa tante, celle-ci peut la prendre en grippe. Vous savez combien Geneviève est impressionnable. Si elle ne se sent pas aimée, si on n'est pas doux et tendre avec elle, au lieu de se livrer, elle se tiendra sur la réserve. Et mademoiselle de Puylaurens, qui peut être exigeante, dites qu'elle est d'une exigence féroce. Mademoiselle de Puylaurens la trouvera insupportable. Il pourra survenir des difficultés entre elles, et une fois que les choses auront pris cette voie, qui sait jusqu'où elles iront? Qui sait si un jour mademoiselle de Puylaurens ne vous rendra pas votre fille? Qui sait alors si elle ne la déshéritera pas? Elle vous a bien déshérité, vous. Et si, au lieu de la prendre en aversion, elle la prend en affection? Sans doute, cela est possible, quoique cela ne paraisse pas probable, étant donné le caractère de mademoiselle de Puylaurens d'une part, exigeante et dure, et celui de Geneviève de l'autre, timide et tendre. Mais si ce que vous dites arrivait, cela ne changerait en rien la situation de Geneviève, qui ne deviendrait pas l'héritière de sa tante plus qu'elle ne l'est en ce moment, car vous vous croyez sûr, n'est-ce pas, que dans sa colère contre vos fils, elle les déshéritera comme elle vous a vous-même déshérité, c'est-à-dire qu'au lieu de leur laisser une part de sa fortune, elle ne leur laissera qu'une rente viagère. Cela me paraît probable, pour ne pas dire certain. La situation de Geneviève est donc celle-ci. Si elle gagne l'affection de sa tante, son héritage reste ce qu'il est présentement. Si au contraire elle ne gagne pas cette affection, cet héritage peut être entièrement perdu pour elle. Dans ces conditions, il me semble que c'est courir gros jeu de l'envoyer à cordes. Je vois ce qu'elle peut perdre et je ne vois pas ce qu'elle peut gagner. Elle a des chances contre elle et elle n'en a pas pour elle. Et si mademoiselle de Puylaurens se fâche de ne pas la voir? Ce serait contre vous qu'elle se fâcherait, contre moi. Ce ne pourrait pas être contre Geneviève. Ce n'est pas Geneviève qui veut aller ou ne pas aller à cordes. C'est nous qui l'envoyons ou qui la retenons. C'est donc contre nous seuls, que peut se tourner la colère de mademoiselle de Puylaurens. Et nous, que nous importe? Vos rapports avec elle ne nous engagent pas à faire quelque chose qui lui soit agréable, n'est-ce pas? Certes non. Elle ne peut pas être plus fâchée contre vous qu'elle ne l'est. Elle ne peut pas vous déshériter davantage. Vous n'avez donc pas à la ménager. Où voyez-vous que je la veux ménager? Je ne dis pas cela. Mais seulement que les sentiments qu'elle peut éprouver à votre égard vous sont indifférents, absolument. Moi, je ne compte pas. Nous n'avons donc à nous préoccuper que de ceux qu'elle peut éprouver à l'égard de Geneviève. Il me semble que notre refus de lui donner notre fille ne peut que l'attendrir pour cette pauvre enfant, victime de la dureté de ses parents. Il la regarda un moment. « Savez-vous que ce n'est vraiment pas mal raisonné ? » dit-il. Une mère rate de ces raisonnements-là. Mais elle se tut aussitôt, ayant peur d'en avoir déjà trop dit. Elle savait comme il se blessait facilement lorsqu'elle montrait mal à propos sa tendresse pour sa fille, et ce n'était pas le moment de le fâcher. Elle avait obtenu un succès inespéré. Elle s'était fait écouter sans qu'il se moquât d'elle ou la rembarrât, et lui semblait qu'elle n'avait pas trop mal expliqué ce qu'elle voulait dire. Plusieurs fois, elle avait vu qu'elle avait touché juste. Il réfléchirait. Le mieux était de laisser aller à ses réflexions. Un mot qu'il lui dit augmenta encore son espérance. « Je suis vraiment surpris que dans cette affaire vous ayez été si sensible à la question d'intérêt et si peu à la question de dignité. Cela ne vous émeut pas, vous ?»